ساك ساك. يا بلاد الغربة يا بلادي توحش عائلة وحبابي وما تنساونا شوحنا يا منسيناكوش. يا بلاد الغربة يا بلادي توحش عائلة وحبابي وما تنساونا شوحنا يا منسيناكوش. Maintenant ce qui me manque dans ma vie c'est mon bled et ma famille. J'ai des valeurs et des origines, je suis toujours fier de mes racines. Et tout ce qui m'apporte aujourd'hui c'est d'être ce que je suis. Mon cœur me guide vers l'infini, mon caractère me définit. Une histoire qui nous unit, pour moi ce sera toute ma vie. N'oublierai pas mes amis, encore moins la famille. C'est l'heure de partir au bled, ça y est les valises sont prêtes. Sa famille m'attend et m'appelle, maintenant pour moi la vie est belle. On va tous taper des délires et passer notre temps à rire, à côté d'un bon thé à la menthe, pendant que tout le monde chante. Une histoire qui nous unit, pour moi sera toute ma vie. N'oublierai pas mes amis et encore moins la famille.